crache pour longtemps, un monstre rempli de peur, un monstre appelé en peur, désir de voir souffrir, plaisir de voir mourir, il y a beaucoup de sang, mais ce n'est pas gênant. Gladiateur, gladiateur, les goûts morts, c'est à toi d'être fort. Fais un signe de croix, fais montrer ta foi. Gladiateur, gladiateur, tu seras libre ou bien mort. Gladiateur, gladiateur, les coups morts, c'est à toi d'être fort. Fais un signe de croix, fais montrer ta foi. Gladiateur, gladiateur, tu seras libre ou bien mort. Mais tu n'oublieras pas de saluer ton empereur en lui gueulant, hurlant. Que toi le combattant, tu n'as jamais eu peur de ces pauvres rugissants, car c'est toi le plus grand. Gladiateur, gladiateur, les coups morts, c'est à toi d'être fort. Fais un signe de croix, fais montrer ta foi. Gladiateur, gladiateur, tu seras libre ou bien mort. Gladiateur, gladiateur, les coups morts, c'est à toi d'être fort. Fais un signe de croix, fais montrer ta foi. Gladiateur, gladiateur, tu seras libre ou bien mort.